Chapitre 3e. Le retour aux Corderies s'effectua en silence sous une averse qui tombait dru et qui ne cessa pas un instant. À peine arrivé, Antoinette monta dans sa chambre, s'y enferma et n'en redescendit que le soir de fort mauvaise humeur. Mais en voyant Céline toute dolente et courbattue, la jeune fille sauta au cou de sa bonne. Elle l'accabla de caresses, fit bouillir de l'eau, prépara une infusion et força Céline à l'avaler. Hélas! S'écria-t-elle en l'embrassant. « Pardonne-moi, je suis décidément une détestable créature. »« Allons donc, ma petite fille, » répondit Céline, « ne dis pas de sottises. Est-ce que je t'en veux, moi? Est-ce ta faute s'il a plu, et si nous avons été mal reçus au Val-Clavin, grâce à ce forestier grognon et mal appris ?» Les joues d'Antoinette s'empourprèrent. « Tais-toi, » reprit-elle, en lui mettant la main sur la bouche. « Ne me reparle plus de cette ridicule aventure, j'en meurs de honte. » Un sanglot lui coupa la parole. Elle se rejeta dans les bras de sa bonne et fondit en larmes. Les tendresses de Céline réussirent enfin à la calmer, mais non à lui faire oublier la scène de la ferme. Pendant plusieurs jours, elle resta rêveuse et préoccupée. Elle n'avait qu'à fermer les yeux pour voir Jacques du haut debout contre le manteau de la cheminée et la contemplant d'un air de pitié hautaine. Ce regard scrutateur, qui lui avait fait perdre son sang-froid à la ferme, la poursuivait partout jusque dans ses rêves. Lorsqu'Évonime revint aux Corderies, la première parole d'Antoinette fut pour le supplier de ne pas raconter sa malencontreuse équipée à M. Delisle. Puis elle ajouta rapidement en baissant les yeux. « Je serais curieuse de savoir ce que votre ami a dit de moi après mon départ. »« Mais rien, absolument, » répondit Évonime, qui ne voulait pas augmenter la confusion d'Antoinette en lui rapportant les deux réflexions de Jacques. « Quoi, pas un mot ?»« Non, Jacques est très réservé. » Ses études l'absorbent, et je suis sûr qu'il a déjà tout oublié. Tant mieux, fit Antoinette désappointée. Ce froid dédain lui semblait la pire des injures. Elle lui préférait les méchancetés les plus mordantes à une si complète indifférence. Indifférent, Jacques ne l'était pas, et la brusque apparition d'Antoinette avait fait sur lui une impression dont la vivacité même l'inquiétait. Dans le milieu calme et patriarcal où s'était jusqu'alors passé sa vie, il n'avait jamais rencontré que des femmes à l'allure grave ou des jeunes filles timides et discrètement élevées. L'atmosphère des petites villes avait jeté sur ce monde provincial la même teinte uniformément grise. Tout y était réglé, mesuré et pesé, les paroles, les manières et les démarches. Les toilettes y étaient simples, les figures modestes ou insignifiantes. Auprès de ces médailles effacées, Antoinette, avec son ton cavalier, sa mise un peu excentrique et surtout son originale beauté, faisait un contraste singulier. Pareil à celui qu'une superbe fleur exotique, à l'odeur et aux couleurs violentes, produirait au milieu d'un bouquet de roses du Bengale. Cet éclat avait à la fois ébloui et troublé Jacques Duhou. Il était trop peu expansif pour n'avoir rien laissé paraître devant Évonime, mais la scène du Val-Calvin l'avait vivement frappé. Son esprit fut hanté longtemps par le souvenir d'Antoinette entrant dans la ferme, les joues en feu et les cheveux semés de gouttes de pluie. Longtemps cette fantasque image voltigea entre lui et ses écritures. À la fin, impatienté et irrité contre lui-même, il secoua impérieusement cette obsession et pour en empêcher le retour, il évita de traverser le village lorsqu'il se rendait en forêt. Le hasard devait déjouer toutes ses sages précautions. Il advint que, vers la fin de mai, le brigadier forestier d'Aubrive maria sa fille à un commis de forge des environs. Le mariage était honorable, et le brigadier Sauvageau voulut le célébrer solennellement en invitant de nombreux convives au dîner de noces et au bal qui devait suivre. Au nombre des invités se trouvait Jacques Duhou, qui n'avait pu faire l'affront d'un refus à son subordonné, Évonime, qui était de toutes les noces du village, et M. Delisle, qui avait vidé plus d'un verre avec le père Sauvageau. Antoinette avait promis à la jeune mariée d'assister au bal. Vers le soir, Céline la conduisit jusqu'à la maison forestière, puis s'en revint en maugréant aux Corderies pour préparer le souper des bêtes. La maison forestière était située dans les bois, un peu au-dessus des étangs de la Tulièpe, et comme le mois de mai avait été exceptionnellement chaud, on avait dîné et on devait danser en plein air. La salle de bal était installée sur l'emplacement d'un ancien rendez-vous de chasse nommé la Belle Étoile. Tout autour, la forêt profonde faisait aux danseurs une ceinture d'ombre et de silence, et l'une des tranchées, en s'évasant brusquement, laissait voir, par-dessus les masses du taillis, la combe voisine où le soleil couchant s'enfonçait dans une brume empourprée. Quand, après avoir fumé, Jacques Duhoux se décida à jeter négligemment un coup d'œil sur le rond-point, le bal était déjà commencé. L'orchestre jouait une valse et les couples tournoyaient lentement sur la pelouse. La première danseuse qui passa devant Jacques, entraînée par le bras vigoureux d'un jeune commis, fut Antoinette. Elle était vêtue d'une robe de mousseline blanche à raies bleues verticales. Sur ses belles épaules, un fichu de tulle était croisé, et dans ses cheveux, relevés au sommet de la tête par un antique peigne d'écaille, elle avait piqué, pour tout ornement, trois fleurs de narcisse. Elle valsait d'une façon charmante. Indifférente à la personnalité de son valseur, elle ne semblait lui demander qu'un bras solide et le sentiment de la mesure. Ainsi soutenue par une robuste étreinte, elle glissait légèrement, chastement, comme une forme aérienne. Elle s'enivrait de musique et de mouvements rythmés, sa bouche ébauchait un fin sourire, ses regards semblaient noyés dans une délicieuse extase. En apercevant Antoinette, Jacques Duhoux recula instinctivement dans l'ombre, mais il ne partit pas. Caché derrière la rangée des grands-parents, il ne quittait pas des yeux la valseuse à la robe blanche rayée de bleu. Elle exerçait sur lui une lente et irrésistible fascination. Jamais il n'avait soupçonné tant de grâce voluptueuse dans un corps de jeune fille. Parfois, elle disparaissait, perdue dans la foule, puis il la revoyait soudain à deux pas de lui, et il se sentait brusquement ébloui par une douce lumière, comme lorsque la lune, un moment cachée derrière les nuages, reparaît tout à coup dans sa blanche et amicale sérénité. Peu à peu, la nuit était venue. Les lanternes de couleur scintillaient dans les feuilles comme des vers luisants, et à travers les arbres, les étoiles clignaient leurs yeux d'or. Un quadrille avait succédé à la valse. Antoinette y figurait en face de la mariée. Son visage était épanoui, ses yeux rayonnaient, elle était toute à la joie de la fête. Entre deux figures, Jacques la vit tout à coup quitter son danseur, s'élancer vers le banc où M. Delisle était assis, déposer deux baisers sur les joues de son père, et puis se perdre de nouveau dans le tumulte du bal. M. Delisle commençait à trouver le temps long. Il ne songeait pas sans inquiétude au souper de ses bêtes. Puis il avait largement dîné, et il aimait à se coucher de bonne heure. Il se glissa droitement hors du cercle du bal. Cette petite s'amuse, et ne voudra pas revenir encore, se dit-il. Bois, ne troublant pas son plaisir. Il aperçut Évonime qui rêvait dans un coin. Ormancy la ramènera, pensa-t-il, et cette réflexion calmant ses derniers scrupules, il s'esquiva sans rien dire. Or, dans le même moment, Évonime était plongé jusqu'au cou dans un de ses accès de mélancolie. Le spectacle d'une noce, de la musique et la journée à bal le remuaient toujours profondément. L'éternel problème du mariage le tourmentait alors avec plus de persistance. Il jeta un regard pensif sur les physionomies radieuses des jeunes mariés et poussa un soupir. Ces gens-là sont heureux. Se marier, faire souche de petits Évonimes, ce serait pourtant le vrai but et la vraie fin. Il s'arrêta, bourra sa pipe et l'alluma. Puis, comme si cette opération eût rejeté son esprit irrésolu dans un courant contraire, « Oui, reprit-il, mais une fois marié, on est figé dans son bonheur, comme le métal en fusion se fige pour l'éternité dans le moule où il est entré en bouillonnant. Or, l'immobilité, c'est l'ennui. Vive la nature toujours ondoyante et diverse. » Il se leva, tira deux ou trois bouffées et contempla la futaie solitaire. Les grandes tranchées aux ombres mystérieuses l'attiraient. La musique du bal devait y avoir des accents plus voilés et plus charmants. « C'est ainsi, pensait-il, que je voudrais toujours envisager le mariage, à distance. Bon, égarons-nous dans la forêt, où les rossignols chantent seuls. » Et là-dessus, il s'enfonça peu à peu dans l'ombre et disparut. Cependant, le bal menait toujours ses bruits joyeux. Les heures se passaient, et Jacques ne se lassait pas de regarder Antoinette, qui ne se lassait pas de danser. Tout à coup, il ne vit plus la jeune fille, et déjà honteux de sa folie, il songeait à regagner le bourg, quand une grosse voix, celle du brigadier, résonna derrière lui. Il se retourna et vit Sauvageot, qui lui présentait Antoinette, encore toute frémissante de l'agitation du bal et drapée dans un burnou blanc dont le capuchon lui retombait sur les yeux. « Je voudrais, dit le brigadier, vous demander un service. Voici Mademoiselle Delisle qui désire retourner à Aubrive. Son père s'en est allé et je ne puis pas la confier à un de nos jeunes étourneaux. Comme vous partez, seriez-vous assez bon pour la ramener chez elle ?» Il n'y avait guère moyen de refuser. Jacques s'inclina silencieusement devant Mademoiselle de Lille, et prenant congé de Sauvageot, se mit à marcher à côté de la jeune fille dans le petit chemin caillouteux qui descendait vers la Tuilière. Pendant 5 ou 6 minutes, ils gardèrent le silence. Jacques, embarrassé et intimidé par ce tête-à-tête inattendu, cheminait pensif et la tête baissée. Antoinette, encapuchonnée dans son burnou, prêtait l'oreille à la musique du bal qui retentissait derrière les feuillets, et les mouvements de son corps souple et onduleux semblaient encore suivre le rythme de la valse lointaine. Elle fit soudain une glissade sur les cailloux et poussa un petit cri. Le forestier crut devoir lui offrir son bras, mais elle refusa sous prétexte que le sentier était trop étroit. Jacques s'inclina sans insister, et la conversation tomba de nouveau. En ce moment, la lune se montra, et sa lueur bleuâtre glissa comme un léger roseau d'argent sur toutes les masses boisées. En bas, dans la combe de la Tuilière, les eaux de l'étang reflétèrent le disque déjà échancré, et tout au loin, du côté du Val des Frais, un rossignol se mit à chanter. « Monsieur Duhou, » dit brusquement la jeune fille, « mon escapade du Val Clavin vous a scandalisé, et vous avez de moi une opinion détestable. »« Moi, mademoiselle ?»« Oui, vous m'avez prise pour une fille mal élevée. Avouez-le, je ne m'en fâcherai pas. J'ai été très heureux ce soir, et rien ne me rend bonne comme le bonheur. » Et, demanda Jacques d'un ton légèrement ironique, « cela vous arrive fréquemment. » Elle s'arrêta, le regarda d'un air malicieux et répondit avec un petit accent très net et très résolu. « Oui, chaque fois qu'on fait ce que je veux. » « dit Jacques, c'est une satisfaction qu'on n'a pas souvent dans la vie. »« Mais si, » reprit ingénument Antoinette, « d'abord, avec moi, on finit toujours par céder. Papa prétend que je suis une embobineuse. Et puis Céline me gâte. Qu'est-ce que Céline, ma bonne ? Elle ne m'a pas quitté depuis ma naissance. Aussi je l'aime bien et elle m'adore. Quand ma mère m'avait puni, c'était toujours Céline qui venait me consoler. Et elle venait souvent, car j'étais paresseuse comme une outre. » Entre nous, dit Jacques, d'un ton demi-grave et demi-plaisant, mademoiselle Céline, vous eut rendu un meilleur service en vous tirant les oreilles. Eh bien, vous vous trompez, reprit vivement Antoinette. On obtient tout le moins par la tendresse, rien par la violence. On crut me mater en m'envoyant au Sacré-Cœur de Marmoutier. Et on obtint un résultat tragique. Lorsque je me vis enseveli dans une affreuse robe d'uniforme gros vert, je fus si désespéré que je résolus de me faire mourir. J'avais emporté avec moi ma boîte de couleurs. J'ai pris un pain de bleu de Prusse. Céline, en me recommandant de ne pas mettre mon pain sur mes lèvres, m'avait toujours dit que c'était du poison, et j'espère bien en avoir assez pour me tuer. Je tenais mon bleu de Prusse dans ma poche, je le tâtais de temps en temps, je le mettais sous mon oreiller pendant la nuit. Enfin, un soir, que je m'étais sentie plus malheureuse et plus abandonnée que jamais, je l'avalais. « Cela a dû vous rendre horriblement malade ?» s'écria Jacques d'un air à la fois étonné et choqué. « Oui, mais je n'en mourus pas, » poursuivait-elle en riant, et on me retira du Sacré-Cœur. « Ce fut un tort, » reprit Jacques devenu pensif. « On aurait dû vous y laisser. Et je vous réponds, que vous n'auriez pas recommencé l'expérience du bleu de Prusse. » Elle le regarda de côté et haussa les épaules. « Je ne conseillerais à personne de s'y fier, » murmura-t-elle. Puis, rompant tout à coup la conversation, elle s'élança de le taillis et se mit à cueillir des chèvrefeuilles sauvages qui se balançaient dans les branches de noisetier. Elle jetait à mesure les bras fleuris à Jacques Duhou, qui la regardait, stupéfait. L'une des tiges ayant résisté sous ses doigts, elle se souleva sur la pointe des pieds et, saisissant le bois vert entre ses dents, elle voulut le briser. Jacques admirait ses bras aux attaches menues et ses dents qui étincelaient au clair de lune. « Vous allez vous couper les lèvres » murmura-t-il d'une voix doucement émue et presque caressante. Cela contrastait si fort avec ses intonations ordinairement âpres et graves qu'Antoinette s'arrêta, surprise. Leurs regards se rencontrèrent pour la première fois et Jacques se sentit remué de la tête aux pieds. Quand il fut fatigué de cueillir des fleurs, ils descendirent vers le fond de la combe. C'était le chemin le plus long, mais Jacques se laissa faire et ne hasarda aucune observation. Ils se trouvèrent bientôt au bord de l'étang qui rayonnait d'une clarté féerique dans sa ceinture de joncs frissonnants. Antoinette, d'un brusque mouvement de tête, fit tomber son capuchon et rejeta son burnous derrière ses épaules. comme c'est beau !» dit-elle avec enthousiasme. « J'aime, je l'aime follement. » « Auriez-vous quelque ondine pour ma reine ?» demanda Jacques en riant. Elle sourit, fit une petite moue et reprit. « Évonime prétend que j'en suis une moi-même, parce que j'ai les yeux verts. »« Verts ?» murmura Jacques. « Vraiment, je les croyais bleus. »« Vous aviez mal vu. »« Regardez !» ajouta-t-elle étourdiment en rapprochant de Jacques sa figure éclairée par la lune. « Ce sont de vrais yeux d'ondine. » Jacques perdait peu à peu de son sang-froid. « Savez-vous, reprit-il d'une voix légèrement tremblante, que les ondines jouissaient d'une assez mauvaise réputation. On dit qu'elles étaient fatales à ceux qu'elles aimaient. « Bon, fit Antoinette en se rapprochant du talus de l'étang, c'est que leurs amoureux ne les aimaient pas bien. Il faut aimer trop pour aimer assez. À propos, puisque nous sommes dans mon royaume, je veux y cueillir quelques fleurs pour compléter mon bouquet. » Il y avait à trois pieds du talus un flot couvert de saules et relié à la chaussée par une mince passerelle, et juste au-dessous de cette passerelle, des trèfles d'eau perçaient leurs épis blancs et roses à demi submergés. Antoinette mit le pied sur la planche, essaya de les cueillir. « Ne faites pas cela !» s'écria Jacques. « La planche n'est pas assez solide et l'étang est profond. »« Je n'ai pas peur de l'eau !» répliqua malicieusement la jeune fille en imprimant un léger balancement à la passerelle. « On vous a confié à moi, et je ne vous laisserai pas commettre une pareille imprudence, » dit Jacques sévèrement. Et comme elle n'avait pas l'air de l'écouter, il ajouta avec force. « Ne faites pas un pas de plus, je vous le défends, » répliqua-t-elle d'un air de défi. « Il ne faut jamais me dire de ces mots-là. » En un clin d'œil, elle fut au milieu de la passerelle, s'y agenouilla et trempa l'un de ses bras dans l'eau. Jacques s'était élancé derrière elle. La crainte de voir Antoinette prendre un bain assez dangereux et la contrariété que lui causait cette folle bravade l'avait vivement agacé. Il saisit avec emportement les deux bras de la jeune fille et la releva énergiquement. Au même instant, sous ce double poids, la frêle passerelle plia comme un jonc, un craquement sourd se fit entendre, et Antoinette poussa un cri de terreur en sentant l'eau mouiller ses pieds. Jacques l'étreignit avec une sorte de violence sauvage et d'un bond sauta sur le talus. Le saisissement et la peur de la jeune fille avaient été si grands qu'elle resta pendant une demi-minute sans mouvement dans les bras du forestier. À travers les plis du burnous, Jacques sentait la douce impression de ce corps souple et alangui. Tandis que cette folle tête renversée reposait sur son épaule, le jeune homme eut le temps d'admirer deux yeux doucement voilés par des cils bruns et parmi les cheveux châtains à demi dénoués, la plus mignonne oreille rose de la création. C'en était trop pour Jacques Duhou. Il avait beau se raidir contre la tentation, une attraction magnétique courbait déjà sa tête vers celle de la jeune fille, quand un frémissement parcourut tout le corps d'Antoinette. Elle ouvrit les yeux, se dégagea lestement du bras de Jacques, rougit très fort, puis partit d'un long éclat de rire. Jacques, qui était redevenu peu à peu maître de lui, se sentit sourdement irrité par ce rire bruyant. « La chose n'est pas si plaisante, » dit-il avec humeur. « L'étang est plein d'herbes et de vases, et comme il est impossible d'y nager, nous aurions pu y rester tous les deux. » Antoinette s'était assise sur un tronc d'arbre et secouait son burnous tout trempé. « Eh bien, » continua-t-elle de son ton évaporé, « je vous aurais emmené dans mon royaume où mes sœurs, les ondines, chantent en peignant leurs cheveux verts avec un peigne d'or. N'est-ce pas de cette façon que cela finit toujours dans la légende ?»« Vous avez les pieds mouillés, » reprit Jacques avec impatience, « et vous ferez bien de marcher. » Elle se leva d'un air boudeur et ils gagnèrent la route. Au bout de 100 pas, ils virent une petite femme s'avancer rapidement vers eux. « Dieu me pardonne, » fit Antoinette, « je crois que voici Céline. »« Est-ce toi, ma petite fille ?» s'écria celle-ci dès qu'elle fut apportée. « Je ne te voyais pas revenir et j'avais Martel en tête. C'est bien de ton père de t'avoir laissé seule au milieu de cette cohue. Il sera toujours le même. » Elle prit le bras de la jeune fille après lui avoir jeté un gros châle sur les épaules, puis elle remercia chaleureusement Jacques Duhou. À l'entrée du bourg, le garde général prit congé de Mademoiselle de Lille. « Au revoir !» lui dit gaiement celle-ci. Puis, lui tendant amicalement les fleurs qu'elle avait arrachées dans l'étang et qu'elle avait gardées religieusement, « Prenez mes trèfles d'eau, » ajouta-t-elle, « vous les avez bien gagnées. »